الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد سوف نتحدث عن سلم الوصول الشيخ حافظ الحكمي في موضوع الأسمان الدغنير يدي وكل عبد ذي صلاح وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون أبيات يعني des vers sur le fait que des gens qui vont être voués à l'enfer et qui vont ressortir ils y vont être apposés dans Nahr al-Hayat rivière de la vie quelque chose comme ça ils vont être fahm comme on a vu la semaine dernière comme une sorte de charbon et ils vont revivre il dit lui-même rahimahullah dans le Sharh il a allongé l'explication sur ces vers-là. Il dit dans un passage, وَلَهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ Il parle de l'imam muslim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ Il dit, les gens de l'enfer, qui sont voués à l'enfer, ils vont pas mourir dans l'enfer, ils vont pas vivre. وَلَكِ النَّاسٌ أَصَابَتْهُمُ النَّارِ بِذُنُوبِهِمْ Il dit, ce sont des gens, et il parle de ce passage-là, des gens qui vont sortir de l'enfer et qui vont être mis dans la Nahr al-Hayat, il dit, ils vont être touchés par le feu à cause de leurs péchés, ou bien à cause de leurs erreurs, de leurs péchés. C'est comme il va leur donner une certaine mort jusqu'à ce qu'ils deviennent charbon, hein, comme du charbon. Et Nishahed, sur ce passage-là, il dit qu'il va leur donner une certaine mort. Comme si ils allaient mourir, ils vont devenir fahm, comme du charbon. Ensuite, ils vont être mis dans Nahr al-Hayat Hada et ils vont revivre. Donc, on est arrivé au passage. Ça, c'est dans Sulam al-Wusul et Sharh ta Sheikh Nafsuh Ma'arij al-Qabul. Sharh Sulam al-Wusul ila ilm al-Usul fi Tawhidillah Tiba' al-Rasul. Donc on arrive à قول الإمام البربهاري رحمه الله رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالأنبياء والملائكة. عندكم تو. تي. شوفوا. Erreur de frappe. الإمام والإيمان بالأنبياء والملائكة. Donc là, le fait d'avoir l'Iman, on est sur l'Iman envers les prophètes. On sait que quand les prophètes ils sont cités dans ce sens-là, ou bien Rasul, l'iman de Rasul, rentre dedans les prophètes et les messagers. D'accord ? Quelqu'un qui nous dirait, مثلاً, on croit au Rasul, on croit au Anbiya aussi. On croit aux messagers et aux prophètes. Ou le Malaïka, les anges. Il dit, Sharh explication. Min usul l'iman, wa arkan l'iman. L'iman ou le Malaïka ou l'Anbiya. Parmi les fondements de l'iman, hein, les piliers de l'iman, l'iman bil Malaïka ou l'Anbiya, le fait de croire d'une manière ferme aux anges et aux prophètes et aux messagers. وهذا كما في حديث جبريل عليه السلام حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Donc il dit حديث مشهور حديث de جبريل عليه السلام. Quand il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit informe-moi à propos de l'iman. Il lui dit l'iman, c'est que tu crois fermement en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes et messagers, au jour dernier et au destin, bon soit-il ou mauvais. Dans le Coran, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Donc on a également ça dans le Coran, piliers là, qui sont cités dans le Coran. En surat 2, le Baqara, verset 177. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah et au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et l'akhir, l'aya. Qal, le Baqara, donc surat 2, verset 177. Wa fi qawlihi ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu bayna ahadin min rusulih. Un autre verset qui montre les piliers de l'Iman. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur. et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en disant nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Ils ont dit, nous avons entendu et obéi, Seigneur, nous implorons ton pardon. Al-Baqara, surat al-Baqara, 2, verset 285. Qawluhu ta'ala, qawlu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wa al-Asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyun min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum. Notre verset, pareil, qui cite le pilier de l'Iman, pas tous, mais une grande partie, surat 2, verset 136. Nous croyons, dites, nous croyons en Allah, en ce qui nous a été révélé, en ce qu'on a fait descendre, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, et aux tribus, et en ce qui a été donné à Moussa, à Isa, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. قال فيجب الإيمان بالملائكة كلهم من سمى الله منهم ومن لم يسمي. Donc, faut croire, faut avoir la ferme conviction envers les anges, tous les anges qu'Allah il a nommés et les anges qu'Allah il n'a pas nommés. والملائكة جمع ملك. ملائكة جمع ملك. C'est le pluriel du mot ملك. وهم عالم من عالم الغيب. Donc c'est un univers, c'est un monde qui est invisible à nous, on peut pas le voir. خلقهم الله من النور. Allah il les a créés de lumière. وَأَمَّا الْجِنُّ فَاللَّهُ خَلَقَهُمْ مِنَ النَّارِ. Concernant les djinns, Allah les a créés de feu. وَأَمَّا الْإِنْسُ فَإِنَّا خَلْقَهُمْ مِنْ طِينِ. فَإِنَّا خَلْقَهُمْ مِنْ طِينِ ثُمَّ مِنْ مَا إِمَّهِينِ. Concernant la race humaine, Allah l'a créé d'argile puis d'eau. D'argile puis d'eau. Ça c'est venu dans un hadith. Ces trois catégories avec de quoi ils ont été créés. كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك كما الله cite ça dans le Coran dans nombre de versets. فالإيمان بالملائكة كلهم من سمى الله منهم ومن لم يسمي نؤمن بهم جميعا. Faut croire en tous les anges, ceux qu'Allah il a nommé, hein, il nous a déterminé leur fonction ou bien leur nom, et ceux qu'Allah il n'a pas nommé. أما من يؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع. Celui qui croit en certains des anges et qui mécroit en certains des anges, il a mécru à tous. قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. سورة البقرة 97-98. Quiconque est un ennemi de Jibril doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messagers antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Dis, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril et de Mikael, Allah sera son ennemi car Allah est l'ennemi des infidèles. Ce verset-là, Salah al-Sheikh dit, Nazarat fi ba'd al-Yahoud, les juifs qui avaient Adawa, ils détestaient Jibra'il pour des raisons diverses. Allah il a fait descendre ce verset-là, comme quoi quelqu'un qui est ennemi à Jibril, il est ennemi à Allah. Il détestait Jibril, mais il aimait Mikael, non? Les narfois, ils ont bien eux et Jibril, adawa. Mikael, ma. Je crois dans le tafsir de cette ayah, il a fait Mekatir. Mekatir, il cite ça au moins. Barakallahu fik. Donc le Baqara 97-98. فالذي يكفر بملك واحد من الملائكة كافر بجميع الملائكة. Celui qui dément, qui mécroit à un des anges, il a mécru à tous les anges. Quel Yahoud alladina yaqulun Jibril aduwwun lana. Ah oui, il dit ça. Comme les juifs qui disent que Jibril est notre ennemi. لو كان الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم غير جبريل لا اطعناه. Il dit, si celui qui avait révélé au prophète صلى الله عليه وسلم cette révélation, ça aurait été un autre que Jibril, nous aurions obéi. Hein? لكن نزل عليه جبريل وهو عدو وهو عدونا فلا نؤمن به. Ils disent, celui qui a révélé cela, c'est notre ennemi déclaré qui est Jibril, donc nous ne croyons pas ce qu'il a révélé. فأنزل الله هذه الآية. Allah il a révélé ce verset là. قل من كان عدوا لله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن سلام أنه قال عن جبريل ذلك أو ذاك عدو اليهود، ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه صلى الله عليه وسلم هذه الآية إن كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. دي دان مارش الإمام البخاري رابورت ça dans son recueil authentique selon عبد الله بن سلام. Il a dit à propos de Jibril, celui-là, ذاك عدو عدو اليهود. Celui-là, c'est l'ennemi, en parlant de Jibril, parmi les anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu ce verset. Celui qui est ennemi à Jibril, c'est lui, Yannick, qui l'a fait descendre sur ton cœur, cette révélation-là, avec la permission d'Allah. Abdullah ibn Salam, si ma mémoire ne me trompe pas, كان يهودي في البداية. C'est un juif au début, بعد أسلم. ليس هو من جبريل. إنما هو من عند الله جل وعلا. Par la révélation. Il dit la révélation, si c'est l'intermédiaire, c'était Jibril alayhi wa sallam. Ça ne vient pas de lui. Jibril alayhi salam, Rasul min al-Rusul. C'est un messager parmi tant d'autres. Il doit transmettre le message. Wa Jibril innama huwa Rasul min Allah muwakkalun bil wahy. Ou muwakkalun bil wahy. Il dit Jibril alayhi salam, c'est un messager de la part d'Allah. Parce qu'il y a Rasul, le malaïka, Rasul min al-Bashar. Muwakkalun bil wahy. Sa fonction, c'est la révélation. Wa min al-tawa'if al-dalla, al-muntasiba lil islam an yaqul. Il dit il y a parmi. طوائف ça veut dire des fractions, des groupes. الطائفة تطلق على الكثير أو القليل. Tu peux dire طائفة, il y a peu de gens. Tu peux dire طائفة, il y a énormément de gens. الضالة, parmi les fractions qui sont perdues. المنتسبة للإسلام, qui s'attribuent à l'islam. Ils disent on est des musulmans, on est soumis à l'islam. Certains qui disent من يقول إن جبريل خان الأمانة. Ils disent جبريل عليه السلام, il a trahi le dépôt. Il a trahi le message. فلأن الرسالة كانت لعلي ولكن جبريل خان الأمانة وأداها لمحمد صلى الله عليه وسلم. He says the message était voué à Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه. Mais جبريل عليه السلام il a trahi le message et il l'a donné à محمد صلى الله عليه وسلم. قال شاعرهم خان الأمين فصدها عن حيدر. يعني عن علي رضي الله عنه. Donc il dit leur poète a dit à ce sujet là خان الأمين poète intallah. الفرق هذه الفراكسيون لا يديز كو خان الأمين جبريل أتخاي اي إلا دي تغني دو حيدر ونبدا الأربع النووية حيدر سي علي رضي الله عنه يعني كم كوا إلا أولو دو ترانسمت المساج علي إلا دوني أو بروفيت صلى الله عليه وسلم كم كوا نو سي لو نو دو علي. Un des noms de Ali ou un attribut de Ali. Haydar bi Haydara. An Ali radiyallahu anhu. Al-Amin ici, il parle de Jibril alayhi salam. Et c'est comme ça qu'Allah l'a caractérisé dans le Coran. Amin, c'est digne de confiance, digne de dépôt. Quelqu'un à qui tu peux, quand tu lui donnes quelque chose, attrape chaleur. Qala al-mu'allif wa nu'minu bil-rusuli wal-anbiya. L'auteur il dit, nous devons avoir la ferme conviction concernant les messagers et les prophètes. والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. Il dit le prophète, c'est celui qui a reçu une révélation et qui ne l'a pas, لم يؤمر بتبليغه. On lui a pas ordonné de la transmettre. والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. Il dit le messager, c'est celui qui a reçu, yani on lui a révélé une législation et on lui a ordonné de la transmettre. والفرق بين النبي والرسول أن الرسول يبعث بشريعة منزلة عليه. Il dit la différence entre le prophète et le messager, c'est que le messager, il est envoyé avec une législation qu'on lui a révélée. بخلاف النبي فإنه يبعث بشريعة منزلة على من قبله من الرسول. Comme il dit le prophète, c'est quelqu'un qui est envoyé avec une législation qui a été révélée à un prophète, à un messager précédemment. Yani le prophète il vient, le nabi il dit il vient juste confirmer une révélation précédente. Ka anbiya bani Israël, فإنهم بعثوا برسالة موسى عليه الصلاة والسلام بالتوراة. Il dit comme les prophètes de bani Israël. Bani Israël, شكون هو؟ Yaqub عليه السلام. Donc les prophètes qui sont venus de bani Israël, les enfants de Israël, بعثوا برسالة موسى. Ils avaient la même législation que موسى عليه السلام celle qui est descendue dans التوراة la Torah. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. سورة المائدة سيدي برسي هذا في حكم التحاكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون والظالمون الفاسقون. سورة 5 برسي 44. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guidé la lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des juifs. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont les témoins. فهم يحكمون بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام. Donc eux ils doivent prendre comme juge comment يعني appliquer les lois etc. selon ce qu'il y a dans التوراة qui a été révélée à موسى عليه السلام. ولم يأتوا بشريعة مستقلة. Ils sont pas venus avec une législation indépendante. مستقل c'est indépendant. فهم بخلاف الرسول فإنه يأتي بشريعة مستقلة ويؤمر بتبليغها. Contrairement au messager qui reçoit une législation nouvelle, une législation indépendante, et on lui ordonne de la transmettre. Amma an-nabi fayu'maru bi tabligh risalati man qablahu. Concernant le prophète, on lui ordonne de transmettre le message du prophète ou d'un messager qui a précédé auparavant. Wa qad yuha ilayhi fi qadiyatin khassa. Ça se peut yani qu'on lui révèle sur un sujet bien précis. هذا هو الفرق. ولا لا لا ديفيرونس. وفي المسألة خلاف بين العلماء. هنا كيدون دوتر دي ديفينيسيون. الإمام ابن أبي العز الحنفي دون شرح الطحاوية المطول. إلى غمني يعني لي تخوا باغول كي سو سوجي لا. ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بالجميع. إيدي celui qui mécroit à un prophète, il a mécru à tous les prophètes. كافر حتى بالنبي الذي يزعم أنه يؤمن به. Ça veut dire, il mécroit même au prophète qu'il a prétendu avoir cru en lui. Mathalan, واحد il dit je crois en Isa, je me crois à tout le reste, il a mécru à tout le reste, il a mécru à Isa avec. لأن الأنبياء إخوة. Parce que les prophètes ce sont des frères. قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات. رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة ولفظ البخاري والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأنبياء إخوة لعلات. J'avais dit dans le Fath, Ibn Hajar il dit ce sont des frères Ya'allat, il y a dans le sens avec un seul père et des mères différentes. Ça veut dire ils ont tous le Tawhid comme prescription divine et ils ont chacun une législation qui est différente l'une de l'autre. Silsila wahida, c'est une seule chaîne. Tariqatuhum wahida, leur manière d'agir, leur méthodologie est une seule, unique. Faman kadhaba bi wahidin minhum fa huwa mukadhibun bil jami'. Celui qui dément un prophète, un messager, il a démenti tout le monde. لأن الذي مع هذا لأن الذي مع هذا مع الآخر كلهم رسل الله. لأن الذي مع هذا مع الآخر. Celui qui est avec celui-ci, il est avec l'autre. Parce que ce sont tous des messagers d'Allah. Pas de différence entre eux. لا نفرق بين أحد منهم. C'est dans كونهم رسل وأنبياء. Parce que il y a des différences entre les messagers. Dans le verset là, quand Allah dit لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. On ne différencie pas dans le fait que ce sont des prophètes et des messagers. Sinon, il y a des différences entre les prophètes et les messagers. Allah dit dans le Baqara, تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. Voilà des messagers qu'on a, on a favorisé certains par rapport à d'autres. Mais il y a un hadith, ne me favorisez pas. لا تفضلوني على يونس بن متى. Les savants, ils ont dit ce hadith-là. Il l'a dit dans une occasion bien précise. Ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'est pas mieux que Yunus ibn Matta, mais il l'a dit pour une occasion bien précise que quelqu'un qui avait parlé yani, sur nous, Yunus alayhi salam. Kulluhum rasulullah. Tout ça est dans Tahawiyya de Ibn Abi al-Izz. Falladhi yaz'umu annahu yu'minu bi Musa kal yahud wa yakfuruna bi Isa wa bi Muhammad alayhi as-salatu was salam fa haula kafirun bi jami' al-anbiya. Celui qui prétend croire en Moussa alayhi salam, comme les juifs, et qui mécroit en Isa et Muhammad alayhi as-salatu wa salam, il dit cela, ils ont mécru en tous les prophètes. Hatta an-nabi alladhi yaz'umun annahum yu'minuna bih. Même le prophète en question, qu'eux ils disent, nous on s'arrête là par exemple, on s'arrête à Moussa, en réalité ils l'ont démenti également. Wa huwa Moussa عليه السلام بأن في الكتاب الذي جاء به موسى ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم. Dans le livre, Moussa il a ramené, c'est lequel? Taurat. Il y a l'évocation du prophète صلى الله عليه وسلم, Muhammad ibn Abdullah. قال تعالى الذين الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سورة الأعراف verset 157. Ceux qui suivent le message et le prophète illettré qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur rend interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les joues qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. L'Araf 7, verset 157. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاهُمْ. Surat 2, verset 146. Ceux à qui nous avons donné le livre, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. يَعْرِفُونَهُ, ils reconnaissent le prophète comme ils reconnaissent leurs enfants. لكن حملهم الحسد على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. الحسد la jalousie ou l'envie les a engendré que ils ont mécru au prophète صلى الله عليه وسلم. لأنهم يريدون ألا تخرج النبوة عن بني إسرائيل. Ils veulent pas que la prophétie elle sorte de quelqu'un autre que بني إسرائيل. Parce que les prophètes qui viennent de Bani Israël, ils descendent de Yaqub qui remonte à Ishaq. Ishaq, c'est le fils d'Ibrahim. Ibrahim, il a eu Ismaïl. Ismaïl, il a donné naissance à l'Arab. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a l'ascendance ta'ou, elle remonte à Ismaïl. Amma les prophètes de Bani Israël, ils remontent à Ishaq. Ishaq, et après ils remontent à Yaqub, Ishaq et Ibrahim, alayhi salam. Donc eux, ils ont dit, on ne veut pas que la prophétie, elle sorte. Elle sort de Bani Israël. On veut qu'elle reste dans ce contexte-là. فَهُمْ يَحْتَكِرُونَ فَضْلَ اللَّهِ. Ihtikar. Ihtikar, ça vous trouvez dans Kutub al-Fiqh, dans le Bay'a. Ihtikar al-Sil'a. Ihtikar, c'est la garder ou la réserver. Ihtikar, il dit, quelqu'un, il a bida'a, il a des dates et il les garde de côté jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien au souq. Il n'y a plus rien dans le marché, après il les sort pour les vendre à un prix hors très cher. Hada yusamma bil ihtikar. Contrairement à l'ihtikar avec le qaf. Ihtikar avec le qaf, c'est négliger quelqu'un ou l'avilir. Ihtikar avec le qaf, c'est faire ce qu'on vient de dire. Fahum yahtakiruna fadlallah, ça veut dire ils veulent garder le mérite d'Allah. Quand il choisit un prophète, ils veulent le garder chez eux, dans la durriya de Bani Israël, pas ailleurs. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. Verset dans Surat Nisa, Surat 4, verset 54. Est-ce qu'ils envient les gens selon ce qu'Allah leur a donné de sa grâce? فالذي حملهم هو الحسد والبغي. Pourquoi ils ont été de la sorte, ils ont refusé la prophétie d'un tel et d'un tel? Parce que c'est الحسد. الحسد, c'est l'envie, la jalousie, والبغي, la transgression. وإلا فهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. En réalité, ils savent au fond d'eux que c'est le messager d'Allah. لأنهم يجدونه في التوراة والإنجيل. Parce qu'ils le trouvaient prescrit et cité dans التوراة et l'إنجيل. كذلك عيسى عليه السلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم جميعا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Donc il dit également, Isa alayhi salam, il a informé de la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit à ce propos-là dans le Coran, le sens. Et quand Jésus, fils de Maryam, dit, ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Dont le nom sera Ahmed. Surat Saf 61, verset 6. وَمَنْ هُوَ الرَّسُولُ الَّذِي جَاءَ بَعْدَ عِيسَى. C'est qui le prophète qui est venu après Isa alayhi salam? Il n'y a que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hadith, Adonnahu fil Bukhari, 6 siècles entre Isa et Mohammed. Il n'y a pas eu de prophète entre eux. Il n'y a pas eu de prophète et de messager entre eux. Il n'y a que Mohammed alayhi salam qui est venu par la suite. Sans compter Yanil, Kadzabun, Al-Thalathun, les 30 Yanil menteurs qui sont venus par la suite et qui démentent, qui disent Yanil, on est des prophètes, des messagers. لم يأتي بعد عيسى رسول إلا محمد صلى الله عليه وسلم واسمه أحمد واسمه محمد وله أسماء كثيرة. Il dit, il s'appelle Ahmed, il s'appelle Mohammed, il a nombre de noms. وله أسماء كثيرة. فالذي يكفر بعيسى كافر بالجميع. Celui qui mécroit عيسى, il a mécru à tout le monde. والذي يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كافر بالجميع. Pareil, même chose. Celui qui mécroit prophète Mohammed ibn Abdullah عليه السلام, il a mécru à tout le monde. ولهذا قال جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين. Allah dit dans le Coran, surat Shu'ara, il cite nombre de peuples. كذبت قوم نوح المرسلين, كذبت عاد المرسلين, كذبت ثمود المرسلين, كذب أصحاب الأيكة المرسلين, etc. Allah dit le peuple de Nuh a démenti les messagers. Le peuple de Nuh, il n'a pas dit a démenti le messager. كذبت قوم نوح المرسل. Il a dit كذبت قوم نوح المرسلين. الشعراء سورة 26 verset 105. مع أن أول الرسل نوح وهم كذبوا نوحا. Le premier des messagers, c'est Nuh عليه السلام. Et eux, ils ont démenti seulement Nuh. Nuh, il est venu, il leur a informé ce qu'Allah lui a dit de les informer. Et eux, ils ont mécru à cela. Et Allah, il a dit qu'ils ont démenti les messagers. Au lieu de dire qu'ils ont les envoyés plutôt. Au lieu de dire qu'ils ont démenti l'envoyé. لكن قال كذبوا المرسلين يعني الذين جاءوا من بعده. Ça veut dire que c'est comme s'ils ont démenti Nuh et tous ceux qui viennent par la suite. لأن من كذب برسول فهو مكذب بجميع الرسل. Celui qui dément un messager, c'est comme s'il a démenti tous les messagers. كذبت عاد المرسلين. Dans la même sourate, il y a une silsila de prophètes et d'envoyés qui sont cités. Le peuple de Ad a démenti les messagers. Ad, c'est qui est venu? Salih. Thamoud. Non, c'est Thamoud, c'est quoi? وإلى عاد أخاهم من؟ شوي. الله يهديكم يا جماعة. لوط. هود. وإلى عاد أخاهم هودا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا. Pareil dans سورة الأعراف, ils sont cités à la suite. En plus, c'est des ayats qui se ressemblent beaucoup. كذبت عاد المرسلين. عاد, c'est هود عليه السلام. Qui est venu. ثمود, une قصة الناقة avec la chamelle, c'est صالح. كذبت ثمود المرسلين. الشعراء سورة 26 verset 141. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. Et dans le شعراء, c'est le seul prophète où il n'est pas cité derrière. إذ قال لهم أخوهم فلان. مثلا كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح. أخوهم في التفسير يقولوا أخوهم من النسب. Ils avaient, c'est pas un frère de religion parce qu'ils n'avaient pas la même religion puisque هو il est venu pour leur prêcher l'unicité. هما ils étaient في الكفر. عاد الله il a dit كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح. أما في شعيب je sais pas pourquoi كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. يبا أخوهم شعيب. فالذي يكفر بواحد هو كافر بالجميع. Donc celui, الشاهد يعني ce qui nous intéresse ici, celui qui mécroit un prophète il a mécru en tout le monde. الآية واضحة في سورة النساء إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. سورة 4 verset 150-151. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, les voilà les vrais mécréants. Ils croient en certains prophètes et messagers, mais croient en d'autres. Allah il a dit, les voilà les vrais mécréants. Alors que ils ont une croyance ferme sur certains des prophètes et des messagers. Lakin la yakfi al-iman bil ba'd, ça suffit pas. La budda min al-iman bil jami', li'annahum kulluhum rusulullah. Li'annahum kulluhum. Il y a marqué kulluhum. Kulluhum. Kulluhum. كلهم كلهم لأن خلها لمنصوب اسم لأن كلهم لأن الأنبياء كلهم لأن الرسل كلهم التوكيد كلهم كريض لأن منصوب الاسم بطلت بدل إلى بدل لا كل ها لأنهم كلهم أيوة كلهم رسول الله رسل خبر ها لأنهم كلهم رسول الله بارك الله وكلهم جاءوا من عند الله سبحانه وتعالى tous يعني tous ce sont des messagers d'Allah et tous ils sont venus de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala يبشروا أولهم بآخرهم le premier d'entre eux vient annoncer la venue d'un autre du dernier ويؤمنوا آخرهم بأولهم عليهم الصلاة والسلام le premier d'entre eux il annonce le dernier et le dernier d'entre eux il croit fermement au premier هذا مذهب المسلمين وأهل السنة والجماعة voilà là la voie de droiture et comment doit agir le musulman concernant la vision, la croyance avec les prophètes et les prophètes et les anges. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بأن الجنة حق والنار حق وأنهما مخلوقتان والجنة في السماء السابعة وسقفها العرش والنار تحت الأرض السابعة السفلى وهما مخلوقتان قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها لا تفنيان أبدا بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر ظاهرين وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل Il faut avoir foi au paradis qui est une vérité haq, et que le feu est une vérité haq, avoir foi au paradis et à l'enfer, et que tous les deux sont déjà créés. Le paradis, Jannah, se trouve dans le septième ciel. Son plafond est le trône, l'arche. Le feu se situe sous le septième sol, le plus bas, et ils sont tous les deux créés. Allah Ta'ala connaît le nombre des gens du paradis, et le Jannah, et le Jannah, et ceux qui y entreront, et il connaît le nombre des gens de l'enfer, Al-Nar. Et ceux qui entreront, et tous deux ne se termineront jamais, ils dureront tous deux à jamais. Adam a.s. a été dans le paradis, là où il fut créé, mais il en a été sorti après avoir désobéi à Allah. Charh explication. Min arkan l'iman, l'iman bil yawm l'akhir bi jami'i ma fi. Parmi les piliers de l'iman, qui est le cinquième pilier, croire fermement au jour dernier, et tout ce qu'il contient. Wa mimma fil yawm l'akhir il jannatu wa nar. Parmi les éléments principaux qu'il y a dans le jour dernier, il y a l'enfer et le paradis. وَهُمَا دَارَ الْجَزَى qui sont les deux demeures de la rétribution. فَالْمُؤْمِنُونَ فِي الْجَنَّةِ الَّتِي عُدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَالْكُفَّارُ فِي النَّارِ الَّتِي عُدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Le paradis, c'est la demeure préparée pour les pieux. Et l'enfer, c'est la demeure préparée pour les mécréants. فَهُمَا دَارَ الْجَزَى Ce sont les deux demeures de la rétribution. وَالدُّنْيَا دَارُ عَمَلٍ لَيْسَ فِيهَا جَزَى Dunya, daru amal. Il dit la vie ici-bas, c'est une occasion d'œuvrer. Hein? C'est la demeure de l'application des actes. Il n'y a pas de récompense. Wal-akhiratu daru jaza, walaysa fiha amal. Akhira, c'est le contraire. Il n'y a pas d'acte, mais il y a la récompense. Faman lam yu'min bil jannati wan nar, fa huwa kafir. Celui qui ne croit pas l'enfer au paradis, le paradis et l'enfer, il est mécréant. Liannahu la budda an yashmal al-iman. كلما صح في اليوم الآخر ومن ذلك الجنة والنار. Il faut impérativement que l'iman de la personne, la croyance de la personne, le dogme de la personne, sa conviction, il englobe tout ce qui est cité dans le jour dernier, parmi cela, الجنة والنار. Ici, dans بعد شروح صالح الشيخ, il dit que القدر المجزي, ثلاث أصول, je crois bien. Il dit القدر المجزي, c'est-à-dire ici, quand le Cheikh dit que tout ce qu'il y a un jour dernier, il faut y croire fermement, parmi ceux-là l'enfer et le paradis. Il y a des choses peut-être que les gens, ils ne savent pas. Maintenant, tu parles avec quelqu'un qui est âgé ou là, tu lui parles de ce qu'on a vu avant, Nahr al-Hayat, ou tu lui parles de la passerelle qu'il y a après, Sirat, peut-être il va dire, mais je ne sais pas, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Tabitali, il ne va pas croire à quelque chose dont il n'a jamais entendu parler. Hada, Salah al-Sheikh, il dit, la haraj, pas de mal, parce que la personne, elle ne sait pas. Ce ne sont pas des choses qui sont apparentes comme par exemple la tombe, ou bien comme par exemple le châtiment de la tombe, délice de la tombe, ou bien le paradis, l'enfer, comme quoi. Et Yawahad, il sait que et les gens ils vont être jugés, que les gens ils vont être rétribués au paradis, vont être, les kuffars vont aller en enfer. Les points aucun principaux, sirat, les gens ils vont passer dessus. Des choses comme ça, le mizan, amad daqa'iq, des choses qui sont précises, ou que yani, c'est pas tout le monde qui est muttali alayha, ils disent, si le texte il parvient à personne, هذا كلام صحيح الشيخ طبعا 3 فوا مون براتيكمون سور كسي لا با كي لا سيتي سا القض المجزي اي دي سي لا بيرسون ال انتون بارلي دو سا اي ال مي كرو هنايا سي نوتر هيستوار مي طونك لا بيرسون يعني لا با تي لو بارل مثلا د لا باسخيل قنطره بعد الصراط اي تو دي انا لم اسمع بقنطره هذه شي جامي اونتوندو بارلي كاين باسخيل بعد الصراط ولا سيغتان شوز كاين بريسيزون نهر الحياه اي تو دي جي با جامي اونتوندو بارلي دو سا اي با دو بروبليم هذا مذكور في القران في مواضع. Ça, c'est cité dans le Coran, dans plusieurs endroits. فَالَّذِي يَكْفُرُ بِهِمَا أَوْ بِأَوَّلِهِمَا كَالْقَرَامِطَةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ يُؤَوِّلُونَهُمَا فَهَؤُلَا كُفَّارُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Donc, il dit, ceux qui mécroient cela, ou bien une d'entre eux, on n'a toujours pas le... sur Zaydiya ou Kada. Mais je peux toucher. C'était pas toi, non? C'est pas moi. شكون يجيب لنا القرامطه؟ واحد يجيب لنا القرامطه الاسبوع الخوشين ان شاء الله. جيب ما تنساش المصدر. في 3 فورمون 40 انا في ال 40 قرامطه بطنيه القدر المجزي بارك الله دونك 40 نوويه حديد 2 حديد تاع عمر اي سامح خديت شنو القرامطه البطنيه شكون Batanaya, ça vient de Batin. Ils disent qu'il y a deux sens en fait des textes. Il y a le sens apparent, que les awam comprennent, et il y a le sens caché, que eux ils comprennent. Ils disent, yu'awwilunahuma. Donc eux ils prennent ces textes-là et ils les interprètent. Ta'wil ici, sarf al-lafd an zahiri. Ils disent, c'est marqué ça, mais ce qui est voulu c'est kada ou kada. Fa'awla kuffar billahi azza wa jalla. Ceux-là ce sont des mécréants. Fa'la buddha min al-iman bil jannati wa nar. Il faut impérativement avoir la conviction ferme sur l'enfer et le paradis. Le paradis et l'enfer. وَأَنَّهُمَا دَارَانِ حَقِيقِيَّتَانِ Que ce sont deux demeures qui sont réelles. دَارٌ لِلْمُتَّقِينَ وَدَارٌ لِلْكَافِرِينَ Une demeure pour les pieux, une demeure pour les mécréants. وَهُمَا بَقِيَّتَانِ Deux demeures qui vont rester. وَهُمَا مَوْجُودَتَانِ الْآنِ Elles sont toutes deux existantes aujourd'hui. مَخْلُوقَتَانِ الْآنِ Existantes, elles sont déjà créées. وباقيتان لا تفنيان elles vont rester تبقى باقيه لا تفنيان elles n'ont pas de fin sont éternelles قال تعالى في الجنه وعدت للمتقين الله dit à propos du paradis préparé pour المتقين elle a été préparée pour وعدت c'est un verbe au passé pour المتقين سوره آل عمران 3 verset 133 وقال في النار وعدت للكافرين contraire pour le contraire c'est-à-dire que l'enfer également, il a été également préparé pour le contraire des muttaqin qui est al-kafirin. Surat 3 verset 131. Wa kalimat u'iddat dalilun 'ala annaha mawjuda wa mu'adda. Le fait qu'elle a été préparée, c'est une preuve comme quoi elle est existante. Wa mu'adda, elle a été préparée déjà. Elle est existante, prête. Wa laysa ma'naha annaha tukhlaqu fima ba'd. Ça veut pas dire qu'elle va être créée par la suite. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء تدل على وجود الجنة والنار. Par preuve que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit, il a évoqué des choses qui montrent l'existence à son époque déjà du paradis et de l'enfer. منها قوله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. حديث رواه البخاري في صحيحه رقم كذا ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة ورواية البخاري عن أبي هريرة وابن عمر مرفوعا. وابن عمر رضي الله عنهم يبقى مرفوعا دونك يدي ان شده الحر من فيح جهنم car la canicule fait partie de فيح جهنم de la chaleur de l'enfer حديث كنا avait vu sur إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. حديث في بلوغ المرام sur la salat, on fait la salat. Donc ça c'est sur la canicule. وقال في شدة البرد وجعل الله لجهنم نفسين نفسا في الصيف وذلك أحر ما تجدون ونفسا في الشتاء وذلك شدة البرد فهو من زمهرير جهنم. Donc il dit à propos du froid intense, Allah il a fait en sorte que l'enfer, Jahannam, elle a nafasain, elle a deux souffles. Nafas, comme tu dis, Fulan yatanafas, un tel il est en train de respirer, il souffle. Nafasan fis saif, faut pas lire nafsan, hein, sinon ça change toute l'histoire. Nafasan fis saif, elle a un soulagement en été. Wadhalika aharru ma tajidoun, et c'est ce que, et quand vous trouvez la canicule qui fait vraiment le plus chaud possible, c'est l'enfer, elle est en train de souffler. Wanafasan fis shita, et une, ou un souffle, ou un soulagement en hiver. Wadhalika shiddatul bard, qui se traduit par le froid intense. Fahuwa min zamhariri jahannam, ça fait partie du caractère glacial de l'enfer. Zamharir, vous avez dans Surat al-Insan, al-lafza hadihi. الثاني رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه فدل على أنهما موجودتان. الشاهد دي ça montre que ces deux demeures là sont existantes. والجنة كذلك موجودة أعدها الله للمتقين, le paradis également il est existant, Allah il l'a préparé pour le muttaqin. ووكل بهما ملائكة, il a donné la fonction à des anges pour le jannah, pour le nar. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. حديث رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه. دونك يديد الحديث عبادة بن الصامت, الحديث في كتاب التوحيد au début du livre, celui qui témoigne qu'il n'y a de digne d'être adoré qu'Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, et que Isa est serviteur d'Allah et son messager, et que Kalimatu al-Qah ila Maryam wa ruhum min, on passe sur ça. Wa anna al-jannat haq, le paradis c'est une vérité. Wa nar haq, l'enfer c'est une vérité. Allah il le fera rentrer au paradis. Allahu alim sur la traduction. Ala ma kana min al-amal, c'est-à-dire selon ses actes. Al-shahid fi qawlihi wa anna al-jannat haq wa nar haq. Il dit ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit l'enfer, le paradis, c'est vérité, véridique, l'enfer également. Wa fi istiftah an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li salati al-layl annahu qala liqa'uka haqq wa wa'duka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq. Donc dans la prière nocturne, dans une invocation longue, dans istiftah, dans l'invocation d'ouverture, il disait et ta rencontre est vérité, la rencontre d'Allah est la vérité, ta promesse est vérité, le paradis est vérité, l'enfer est vérité. Rawahu al-Bukhari fi sahihihi wa Muslim fi sahihihi an Ibn Abbas رضي الله عنهما. قوله وأنهما مخلوقتان, قوله قول البربهاري رحمه الله دي مخلوقتان يعني الآن. Elles sont créées, l'enfer et le paradis sont créés, c'est-à-dire à notre instant, l'époque du Barbahari, 300 et quelques, à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, était existante, à notre époque d'une manière plus évidente. قوله الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش, le paradis il est au septième ciel. Et saqf, c'est quoi saqf? Son toit, c'est l'arche, le trône d'Allah. Hada sahha fil hadith, c'est rapporté de manière authentique dans le hadith. Inna fil jannati mi'ata daraja, hadith adhunna fi riyad salihin aussi. Il y a dans le paradis 100 degrés. A'addaha Allah lil mujahideen fi sabilillah, qu'Allah il a préparé pour ceux qui font le jihad dans son sentier. Ma bayna darajatayn kama bayna as-sama'i wal ard, ce qu'il y a entre les deux degrés, deux niveaux, c'est comme ce qu'il y a entre le ciel et la terre. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ. Il dit, quand vous demandez à Allah, demandez-lui le Firdaus, qui est le degré. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ, c'est le caractère médian, centre du paradis. Le cœur. Wa a'la al-janna, et l'endroit le plus élevé. Wa fawqahu 'arshur rahman, et au-dessus de lui, yani de l'Firdaus, il y a le trône de Rahman, d'Allah, et de là, Tafadjaru, c'est quoi Tafadjaru? Zaïs, Akak. Zaïs, les Anhar, les rivières, les ruisseaux du paradis. حديث رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه دل على أن الجنة في السماء في السماء في عليين. Ça montre que le paradis il est يعني dans le septième ciel في عليين on est degré يعني le plus élevé. قال تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين أعلى شيء والنار في أسفل سافلين. قال تعالى كلا إن كتاب الفجار إلا في سجين وما أدراك ما سجين. Donc dans sourate al-Mutaffifin, les deux versets sont cités, verset 18 pour le Jannah, qu'ils prennent garde, le livre des bons sera dans Al-Illiyun. Al-Illiyun, ça vient de Ali, ça veut dire élevé. Et pour le Nar, كلا إن كتاب الفجار إلا في سجين. Non, mais en vérité, le livre des libertins sera dans le Sijjin. Qui te dira ce que Sijjin? Un livre déjà cacheté, fi asfal, asfal safilin. Asfal safilin, c'est-à-dire plus bas. قال تعالى كلا إن كتاب الفجار إلا في سجين وما أدراك ما سجين. Le Cheikh Ibn Uthaymeen, ils l'ont interrogé. Ils ont dit comment ça se fait que l'enfer il est fi asfal safilin et le paradis il est fi ala illiyin. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a fait l'ascension, il a vu le paradis et l'enfer. Le Cheikh Atam Bittal, Aqli, il a dit quand tu montes dans l'avion, tu vois la terre. Il a dit c'est pareil. Il a vu le Jannah, il a vu le Nar, déjà, Ahwal al-Dunya, on ne peut pas les mesurer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut lui montrer ce qu'il souhaite. Et Tanishay, il lui a donné cet exemple-là, il a dit, c'est pas impossible, même d'une manière raisonnable. Qawluhu, qad alim Allahu adada ahli al-Jannah wa man yadkhuluha. Allah, il a su, il sait combien de personnes vont entrer au paradis et qui sont-ils. Allah, jalla wa ala, comme ça qu'il a traduit, hein. D'accord. Combien ils rentreront? Qui rentreront? Allah Ta'ala connaît le nombre des gens du paradis. Et ceux qui y rentreront. Allah Jalla wa Ala alima kulla shay bi'ilmihi al-azali. Allah il a su toute chose à travers sa science l'azali qui n'a pas de début. Wa min dhalika annahu alima ahl al-janna wa man yadkhuluha. Parmi cela, le fait de savoir que les adeptes du paradis, qui va y rentrer? Les gens voués à l'enfer. Et qui sont-ils? La ya'zubu an ilmihi subhanahu wa ta'ala shay. La ya'zubu. Je vais vous donner dans le verset. لا يعزب عنهم مثقال ذرة سورة سبا. Rien ne lui échappe. لا يعزب. Ça veut dire rien ne lui échappe. Rien n'échappe de sa science. سبحانه وتعالى شيء. Y a rien qui échappe de sa science. كل شيء علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. Chaque chose, il l'a su et il l'a inscrite sur la tablette préservée. قوله لا تفنيان أبدا. Il dit à propos du paradis et de l'enfer, elles n'ont pas de fin. L'enfer et le paradis sont deux demeures qui sont existantes à l'absolu, ils sont éternelles, ils n'ont pas de fin. C'est une réplique pour ceux qui disent que l'enfer et le paradis ont une fin. Ils disent c'est pour pas que elle soit musharika lillah, ça veut dire que comme Allah il est éternel, également l'enfer et le paradis il est éternel. Il dit ça, yani. وهم الذين يمنعون التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل. Il dit c'est un terme technique, Allahu alam. Je souligne, je demanderai inshallah. Il dit yani que ça se peut pas qu'il y ait quelque chose qui est une continuité dans le passé, continuité dans l'avenir. Comme quoi yani le fait que Allah il a créé l'enfer et le paradis qu'ils ont un début mais ils ont pas de fin. Il dit yani c'est pas possible. جهلا منهم par ignorance de leur part. ونقول هناك فرق بين أبدية الله وأبدية الجنة والنار. Le Cheikh dit, nous disons qu'il y a une différence entre le caractère éternel de l'enfer et le caractère éternel. Le caractère éternel de l'enfer du paradis, le caractère éternel d'Allah. Abadiyatullahi jalla wa ala la'iqatun bihi. Abadiyya, ça vient de abad. Hein? Ça veut dire le caractère éternel d'Allah. C'est conforme à lui. Sifatu min sifatihi jalla wa ala. C'est un de ses attributs. Allah hayyun la yamut. Wa amma abadiyatul janna wa nar. Fahiyya bi ibqa'illah wa khalqillah subhanahu wa ta'ala. Le fait que Allah il a voulu que le paradis et l'enfer ils n'ont pas de fin, c'est sa volonté. Hein, c'est sa volonté, c'est Allah qui fait en sorte qu'ils n'ont pas de fin. C'est un caractère éternel qui a été gagné, qui a été attribué. C'est-à-dire que ce n'est pas elle qui se... Jannah ou l'annar, qui se donne le caractère éternel, c'est Allah qui lui a donné. Allah Jalla wa'ala, huwa alladhi a'taha at-ta'bid. Amma Allah Jalla wa'ala, fa'azaliyyatuhu wa abadiyyatuhu sifatu min sifatihi sifatu dhatiyya. Dit concernant Allah, son caractère éternel, c'est... l'absolu, c'est sifat dhatiyya, c'est un attribut, qu'Allah il a. Qawluhu baqa'uhuma ma'a baqa'illah abada al-abidin. Il dit le fait que Barbahari rahimahullah, al-janna wa al-nar, ils vont rester à l'éternité. Baqa'uhuma ma'a baqa'illah wa baqa'ullah la nihayata lahum. Ils vont rester tout comme Allah va rester et Allah n'a pas de fin. فكذلك بقاء الجنة والنار لا نهاية لهما. Également le paradis et l'enfer, il n'y a pas de fin. ولا تشابه بين البقائين والأبديتين كسائر الصفات. Il n'y a pas de ressemblance entre les deux caractères restants et les deux l'abadiya, deux caractères éternels, comme tous les attributs, parce que Allah la ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Baqa, ça vient de chez Yabqa. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Surat Nahl. Est-ce que vous avez vous, ça a une fin? Est-ce qu'il y a auprès d'Allah, ça n'a pas de fin? Ça va rester. Je sais pas comment trajet dans la phrase en fait. Donc il dit pareil pour l'enfer et le paradis, il n'y a pas de fin. Et il n'y a pas de ressemblance entre les deux caractères éternels, de fait que les deux ils vont rester, car ça est le sifat, tout comme le reste des attributs. Qawluhu wa dahr al-dahirin. Dahr al-dahirin, ta'kid. Il dit c'est le même sens que abad al-abidin. Dahr al-dahirin, ta'kid. Il y a un hadith là-dessus. Hadith, c'est la cité de Cheikh Ibn Uthaymeen dans la fin de Surat Naba, dans le tafsir. يا ليتني كنت ترابا حديث يؤتى بكبش ليش لا يؤتى بالموت مش بالكبش يؤتى بالموت على صورة كبش on va faire venir la mort sur l'image d'un bélier ويذبح بين الجنة والنار il va être égorgé entre l'enfer et le paradis ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت ولأهل النار خلود ولا موت on va dire aux gens du paradis éternité, pas de mort, et le genre de l'enfer, éternité, pas de mort. قوله وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة. آدم عليه السلام, il était dans le paradis, الباقية المخلوقة, donc le paradis qui va rester éternellement, qui a été créé. لما خلق الله آدم وحصل ما حصل من إكرام الله له وإظهار فضله على الملائكة حسده إبليس على ذلك وأبى أن يسجد له. Il dit lorsque Allah a créé Adam عليه السلام et qui s'est passé ce qui s'est passé, Allah il l'a favorisé, etc. Il a fait apparaître son mérite sur ses anges, sur les anges. Et le fait que Adam il était plus méritoire que les anges, il leur a demandé de se prosterner à lui. De se prosterner à lui. Hasadahu Iblis. Iblis, il l'a envié, il l'a jalousé. Il n'a pas accepté cela. Et il a refusé de se prosterner à lui. Asallah Azza wa Jal min bab il hasad wal kibr. Il a désobéi à Allah Azza wa Jal. Manière. La cause qui a engendré ça, le facteur, c'est quoi? C'est le hasad, la jalousie et le kibr. Allah Jalla wa ala qala li Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma. Surat al-Baqara 2 verset 35. Il a dit, vis toi et ton épouse au paradis et mangez de là où vous voulez, ragadan. Hein? Mangez de là où vous voulez, min haythu shi'tuma. De là où vous voulez, tous deux, shi'tuma, il parle aux deux, Adam et Hawa. فالله أسكنهما الجنة إكراما لهما. الله leur a attribué le paradis par la favorisé. وهذه الجنة في السماء. Ce paradis là il est au ciel. ثم لما حصل من إبليس مع آدم من إغواء. ثم لما حصل من إبليس مع آدم من إغواء آدم وأكله من الشجرة التي نهي عنها أهبط أو أهبط الله آدم وأهبط إبليس إلى الأرض. Donc puis lorsque Iblis c'est passé ce qui s'est passé avec Adam, c'est-à-dire qu'il l'a trompé, il roi Adam, il l'a trompé, il l'a fait manger de l'arbre, qu'Allah lui a interdit de manger de cet arbre-là. Allah il a fait descendre Adam et Iblis tous deux sur terre. On a hbitu minha jami'a, surat al-Baqara, surat 2 verset 38. Nous avons dit descendez du paradis tous. Fahabatu ila al-ard. Wa qad ghafara Allah li Adam li annahu taba ila Allah huwa wa zawjuhu. Donc ils sont descendus sur terre et Allah il avait pardonné à Adam alayhi salam parce qu'il s'est repenti. S'est repenti de ce péché là, lui et Zawjuhu. Zawj, concernant la femme, tu peux dire Zawj ou bien Zawja. Concernant l'homme, tu peux dire que Zawj. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. سورة الأعراف 7 verset 23. Ils ont dit tous deux, nous avons été injustes envers nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas, tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes parmi les perdants. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. سورة طه 20 verset 121-122. آدم عليه السلام il a désobéi à son Seigneur. فغوى ثم اجتباه ربه الشاهد هنا فتاب عليه. Son Seigneur, il l'a élu, il l'a choisi, et il s'est repenti à lui. فَآدَمَ فَتَابَ آدَمُ وَحَوَّاءُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ إِلَى اللَّهِ فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا. Adam, عَلَيْهِ السَّلَامُ et Hawa se sont repentis. Allah, il a accepté leur repentir. أَمَّا إِبْلِيسَ فَإِنَّهُ اِسْتَمَرَّ فِي غَيِّهِ وَلَمْ يَتُبْ. Concernant le diable, il a continué son chemin et il ne s'est pas repenti. وَلِذَلِكَ طَرَدَهُ اللَّهُ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلَعَنَهُ وَجَعَلَهُ قَوَّادًا لِكُلِّ شَرٍّ. C'est pour ça qu'Allah il l'a éloigné de sa miséricorde, il l'a miséricorde et il l'a maudit. L'a'n huwa at-tard wal ib'ad wal iqsa min rahmatillah wa ja'alahu qawwadan li kulli shar. Il a fait en sorte que le diable, c'est le conducteur, c'est celui qui guide à tout mal. Meneur. Meneur à tout mal. Qawwad bil mubalagha. Sighat mubalagha. Qawluhu fa ukhrija minha ba'da ma 'asa Allah 'azza wa jalla. Il est sorti, on l'a fait sortir plutôt. On a fait sortir Adam alayhi salam du paradis après qu'il ait désobéi à Allah. Ikhrajahu min al-janna 'uqubatan lahu 'ala ma'siyatihi. Donc c'était une rétribution par rapport à son péché. Lakinnahu taba ila Allah 'azza wa jalla kama dhakara Allah dhalika fi al-Qur'an. Mais il s'est repenti à Allah comme Allah a cité ça dans le Qur'an. Les savants ils ont divergé, est-ce que le paradis de quel il est sorti Adam, est-ce que c'est Jannat Adn, le paradis yani qui qu'il a préparé pour le Muttaqin, ou bien c'était un autre. Les nombres de savants ils disent que c'est le même paradis. Le paradis dans lequel il était Adam alayhi salam, c'est le même paradis. Même certains qui disent c'est de là qu'on est parti, c'est de là qu'on doit. Là il y avait dans Sharh Cheikh Ahmed Najmi, il avait cité un livre de San'ani. Qui réplique justement sur ceux qui disent que l'enfer et le paradis ont une fin. Je n'ai pas souligné. C'est. Ils sont tous de Bani Israël. Tous les prophètes qui sont venus jusqu'à Isa. كلهم بني إسرائيل. الله أعلم. مش متأكد 100%. لكن نعرفون أن beaucoup de prophètes parce que les anbiya de Bani Israël ils sont même pas des comptables. الله يدعي dans le Coran فريقاً. Il y a un verset comme ça. فريقاً كذبتم فريقاً تقتلون. Certains vous démentez, certains vous tuez. Dans un autre verset, taqtuluna fariqan wa ta'sirun fariqa. Certains voulaient prisonniers, certains voulaient tuer. Ça veut dire, l'Anbiya de Bani Israël ne sont pas des comptables. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sont venus. Et comme on a vu, le hadith, même Cheikh ici l'a cité, l'imam Ahmed, le Cheikh Najmi, le hadith Mousnad l'imam Ahmed, il est dans Mishkat Masabih de Tashih al-Albani, il dit que 124 000 prophètes, et il y en a 315 messagers. Dans les versions, il dit 310 et quelques. Versions, ils disent 315 messagers pour 124 000 prophètes. Si c'est, il fait partie des bénéficiaires, pourquoi nous pas accepter là? Chkoun Nassar, Yahoud. Bah ouais. On va demander est-ce que Aïssa est un béni Israël ou d'Allah. Et on va voir la qadiyya dit à Bataniya et la Kharamita. Et c'est tout. Ou le firaq de la semaine dernière, c'est Youssef. Oui, il connaît. Et ben, je vais vous dire, j'ai la. بعد نعم بالنسبة لعلي رضي الله عنه ليه وش يعني فرقوا به بين تمييز كرم الله وجهه كرم الله وجهه الشيخ ابن رمضان كان يشرح في الأجرية في انجلترا برمنغهام وفات على اللفظة هذه كرم الله وجهه قال لعل هذا أثر تشيع فدويت خاصة تشيع تشيع الشيعة هم اللي مالوا إلى علي سي با كوم الرافضة الرافضة سي لا توتال تشيع هو الميل مالوا إلى علي رضي الله عنه شغل خصوه بحوايج لكن كان فتوى على لجنة دائمة يديس كو يفو با جوستومون سبيسيفي علي باغ كرم الله وجهه ولا بغيره من الناس لأن كان الصحابة أفضل منه إي الشيخ ابن عثيمين يدي بشهادته هو علي رضي الله عنه كان يطلع على المنبر الكوفة يقول إن خير الناس بعد نبيها من هذه الأمة أبو بكر ثم عمر أبو بكر ثم عمر فعلى هذيك ما يخصوه ب كان في بعض يعني كتب يعني يعني يقول كرم الله وجهه صح لو سلم ما يعني الشيخ حداد في السؤال عليه وقال يعني بحق يعني ما كانش يعني سبب لي يدي لا الصحابه كانوا كثير نقول كرم الله وجهه شوف الأجري الأجري من توفى 360 الشيخ ابنك فات عليها قال لا لعل هذا اثر تشيع 30 خاصه كي غيستي يديزي بوكو كرم الله وجهه وكتبها لكن في الحقيقه يقول ما ماشي في الموضوع تاع يعني دو فري با لو متر رضي الله عنهم كسائر الصحابه اي با دو ديفيرونس بينهم هو ولا واحد خلاف السؤال الثاني بالنسبه يعني هذا خارج سيونتيفيك بالنسبه لهذ الديناصورات والتفكير اللي خرجوا هذو شنو كانوا هذه ديناصور الاخرى اسكو كان ديجا يعني عندهم يعني تحقيق في القران الكريم والله ما انا شيبا كاين عدد من الاخوه يسالوا على ديناصور وتوسا والله ما نعرف انا ما سمعت والو من كلام اهل العلم مي جو سي با دو تو كاش واحد من لي فرير الى كلام العلماء في خبر كفار لما صدق بانه كذب الله تعالى اعلم عفوا ان شاء الله هنا نعم كيسون سكو فاي جي با كومبري دون سالون وصول شرح en fait il a dit qu'il y a l'avoir une mort à quel moment enfin on va se faire ressusciter encore une deuxième fois. Là, ça c'est des gens qui ont fait les nar et après Allah il va les faire ils vont devenir comme du charbon il va les faire sortir il va les mettre dans nar al-hayat nar al-hayat on a dit c'est une rivière où ils vont reprendre vie tu vois après ils vont rentrer au paradis les gens ils vont les reconnaître ils vont dire haoula jahannamiyoun c'est des gens qui étaient en enfer on va seulement entrer dans le jannah mais quand ils disent on va les mettre dans la rivière après on va les faire revivre ça veut dire que sur le kanna matou ils sont devenus comme du charbon, qu'annahum matou, comme s'ils sont morts. Un excellent moussoul. Maintenant. Le charh, ma'arij al-qaboul. J'ai une question, pourquoi les sahaba, quand le prophète est mort, ils sont dispersés? Comme Abu Huraira, il est parti au Sham, et Ali, il est parti à Koufa. Pourquoi ils sont dispersés comme ça? Il y a un nombre de compagnons, ils sont partis تحت مثلا الامير اللي زي توتي فالابا كيما عمر الى انفويي في مصر دوتر اندرو الى انفويي قراء الى انفويي ديريكتور دون دي اندرو بها تنتشر الدعوه والاسلام ينتشر يونوك سون بارتي دو اومام اي سون بارتي بار peut-être par chagrin comme ça quand en fait il est mort الله اعلم ان عرفوا ان النومبر دونتخو سون بارتي في خلافه ابو بكر ولا في عمر ولا في خلافه عثمان ولا علي بامر منهم Tu vois, ils leur ont demandé d'aller là-bas ou d'aller là-bas. لعل بعضهم يسون بارتي شاكرا شي با يسيت أبو بكر عمر نعرفه أنا من كلام شيخ بن عثيمين تفسير تفسير جزء عما يدوتر ركوي يتزي لي دو يا سيبس باولا ونفيغا إن شاء الله دان الوسطية شيخ الإسلام بن عثيمين إلا ديطاي صاف sur le fait que l'umma mujmi'a sont tous unanimes sur Tafdil ou Sabq Uthman comme quoi Uthman il est plus méritoire de le khilafa que Ali lakin la yudallal Ibn Taymiyyah a dit à la fin de l'Wasitiyya il ne faut pas considérer quelqu'un de perdu si jamais il fait primer Ali sur Uthman wa in kan jumhur al-salaf la plupart des salaf ils disent que Uthman khayr min Ali. يعني قضية الخلافة يا إجماع celui qui sort de ça il est sorti d'un fondement qui يا إجماع dessus ils sont tous d'accord donc يضلل أما quelqu'un qui dit que علي أفضل من عثمان له وجه ça peut être considéré وإن كان la plupart des salafs ils disent que عثمان خير من علي الله أعلم il ramène ça pour citer que علي lui-même يعني اللي باه داكور افيك الرافضه باسكو سيتي الكونترير انا في دون رياض الصالحين الشيخ بن عثيمين حديث شغل مسح الخفين يدي ك الرافضه يرفض مسح الخفين يدي سي اترانج باسكو علي رضي الله عنه الى غامني دي حديث شغل مسح الخفين سي اترانج انا كي لو رفض شغل عندهم هما علي سي او كي عظموه تو سا كي لو فالوريزي تو سا يدي حديث شغل مسح الخفين علي لي زابورتي مالغري سا لي روجيت دونك سي اترانج Il faut pas mettre le pied comme ça. Il faut le pied. Sans le chouf. Le chouf. Toujours. Chouf, chouf, chifaf. Toujours. Il essuie le pied nu. Il n'a pas le pied. Il essuie le pied nu comme ça. Il a mouillé le pied nu. Inch'Allah, hada wallahu alam. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frère, quand on doit faire des recherches, ramenez-les. Sinon, on va passer les passages et à chaque fois, on daye Je pense que j'ai un livre par rapport à tout ça.